ça. Juste à côté de toi. Juste à côté. Thank you.

Yes. Le mien était oui, le mien était éteint. Ma manière de fermer la porte. This dark Attends. Water. C'est ma manière de fermer. Plus jamais sur les. Papa Noël. Nous sommes Wadi et moi en dessin de Champy dans le Piémont. Nous sommes pied des Pyrénées comme une force tellurique. Mais la rivière et l'autoroute sont plus près. Sauvage, à peine apprivoisée.